بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 60 dans l'explication du livre du Cheikh Al-Mardawi, Manzumat al-Adab al-Shara'iyya, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala. Et on est toujours donc dans le sujet ou dans la partie du livre dans laquelle on parle de ihtikar al-qut wa ikram al-dayf wal-jar. Donc ihtikar al-qut, on en a parlé déjà, c'est-à-dire les gens qui s'accaparent des biens de nourriture, et c'est-à-dire des choses que les gens ont dont les choses dont les gens ont besoin pour manger de tout dans leur repas quotidien. Donc al-qut, et on a parlé de ça. Et la question des prix. Et on a parlé ensuite des droits du voyageur et de la personne qui cherche, par exemple, un abri ou hébergement lorsqu'il voyage. Par exemple, il passe dans des villages. Et on a expliqué les règles à ce sujet-là. Maintenant, on a parlé également des règles au sujet des voisins. D'accord? Et... Donc, on va continuer, Inch'Allah, avec la suite. Et on va essayer de compléter ce chapitre aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, les trois vers suivants, dans ces trois vers, le Cheikh Al-Mardawi, il dit « Wa dukkanu haddadin wa daqqa qisaratin wa daqqa qisaratin wa madbaghatin tu'zi birihin munakkadi » ومن غرس ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتعطد وسيان مؤذي النفس والمال يا فتى وضمنه ما أرداه فعل مصددي. Donc ça, c'est les trois vers en question. Et le cheikh, il explique premièrement le premier vers. Il dit وكذلك يمنع من أنه يضع في بيته دكان حدادة لأن الحداد يضرب الحديد فيشق على الجيران صوته ويقلقلهم أو يقلقهم نعم فيشق على الجيران صوته ويقلقهم ويمنعهم من النوم فيمنع والقصار هو الغسال يمنع أيضا من فتح دكانه بجانب جاره لغسالة الثياب لأنه يضر الجيران كذلك يمنع الجار بفتح مدبغة للجلود لأن دبغة الجلود لها رائحة كريهة تؤذي الجيران. On voit ici des règles, mashallah, très importantes par rapport au voisinage. Et parmi les règles, le Cheikh Al-Mardawi, il explique justement qu'il est interdit à quelqu'un, par exemple, de mettre dans sa maison un magasin de forgerie, hein, de faire une forgerie dans sa maison. Et la raison de ça, c'est parce que le forgeron, il frappe le métal. Et le fait de frapper le métal, bien entendu, ça fait un vacarme et ça fait du bruit et ça dérange, hein, ça dérange le voisin. Et ça peut même l'empêcher de dormir. Et donc, ça doit être interdit à cause de ça. De même que Al-Qisar, c'est l'endroit où on lave les vêtements, hein. Donc, l'endroit où on lave les vêtements, ça doit également être interdit parce que ça dérange aussi les voisins. Hein? Probablement, à cause de l'odeur, ou bien yani, c'est ça, à cause des odeurs. De même que une teinterie, un endroit où on teint les peaux, hein, eh bien ça aussi, ça doit être interdit à cause des odeurs nauséabondes qui peuvent déranger les voisins. Donc en principe, tout ce qui dérange, hein, les voisins, ça doit être interdit. Et c'est important aussi, par exemple, parce que actuellement, et ça a été comme ça dans l'islam depuis longtemps, depuis des siècles, hein, que yani, le responsable, le dirigeant et les ministres ou les gens responsables des différents domaines, eh bien, ils gèrent, hein, ils ont une gestion de la façon dont la ville est construite et de faire en sorte que s'il y a des choses dans la ville qui sont nuisibles pour l'entourage ou pour le voisinage, que ces choses-là soient placées dans un endroit stratégique dans la ville qui fait en sorte que ça ne va pas nuire au restant des habitants. Et la même chose, yani, pour le reste. Donc aujourd'hui, on dit que c'est les ingénieurs civils et c'est la ville qui gère ces choses-là. Donc, yani, ça fait partie des responsabilités, yani, des responsables de veiller à ce que ces choses-là soient respectées. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire ouvrir un magasin de n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Il faut qu'il y ait des règles. Et ça, l'islam tient compte de ça, pour le respect du bon voisinage, hein, et pour le respect du bien-être de tout le monde aussi en même temps. L'autre vers, le cheikh, il dit dedans, il dit « وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْ غَرْسِ الْأَشْجَارِ الَّتِي تَمْتَدُّ عُرُوقُهَا إِلَى بِئْرِ الْجَارِ أو تمتد أغصانها إلى هوائه لأن هذا أذى. » Donc il explique ici maintenant que si par exemple quelqu'un veut planter un arbre dans sa dans son ter sur sa terre ou sur son terrain, mais que cet arbre-là, c'est un arbre dont les racines vont disons s'étendre en dessous de la terre, et que ces racines-là vont aller jusque dans le puits du voisin qui habite à côté, ou que les branches de cet arbre risquent de s'étendre, hein, jusqu'à dans le terrain du voisin, et que ça risque de lui faire du tort, par exemple, ou de lui empêcher d'avoir du vin, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, c'est pas permis de planter cet arbre-là parce que ça va le déranger, ça va lui faire du tort. Un autre point aussi, le troisième vers, il dit: وَيُمْنَعُ أَذَى الْجَارِ سَوَاءً كَانَ الْأَذَى لِلْآدَمِيِّينَ أَوْ الْأَذَى لِمَالِ الْجَارِ فَيُمْنَعُ هَذَا لِأَنَّ الْمَالَ مُحْتَرَمٌ وَيَرْغِمُ مَا أَتْلَفَهُ من مال جاره ويرغم ما أتلفه من مال جاره. Dans le vers suivant, ensuite le troisième vers, il explique que c'est pas seulement le tort qui est fait à la personne qui est interdit, hein, lorsqu'on parle de nuire aux voisins, c'est pas seulement le tort qui est fait aux êtres humains, mais également, ça comprend le mal qui est fait ou le tort qui est fait au bien du voisin. Et donc, on doit interdire tout tort qui est fait également au bien du voisin. Et si ça fait du tort au bien du voisin, eh bien, ça doit être interdit aussi. Pourquoi? Parce que les biens sont respectés en islam et par conséquent, si il fait du tort au bien de son voisin, par exemple, qu'il brise quelque chose de ce qui appartient à son voisin, eh bien, à ce moment-là, il a le devoir de débourser pour que ce soit réparé, et il est pénalisé aussi. Il peut être pénalisé d'une amende, par exemple, si il a causé du tort au bien de son voisin. Donc tout ça, c'est des règles de l'islam qui sont connues et qui sont claires et qui montrent en même temps comment Yani, cette religion, elle a clarifié toutes les règles nécessaires pour la vie, hein, dans la société humaine. Et il y a un autre vers ensuite, il dit, le Cheikh Al-Mardawi, il dit, wa yukrahu aklul hajmi in yatarassadan in yatarassadan ma'a al-idhni lakin dunahu hudurhu wa turudi وبش إلى الضيفان وامزح على القرى لتذهب عنه خجلة المتنكد وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة ولا تتكلف تعجزن فتفندي. Et non. Donc ça, ici encore, ces trois autres vers qu'on va expliquer. Donc, ici, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit, « Tuqabilu al-dif bil-bashasha, hatta yatma'in, wa la yakhjal min nuzulihi bik, iza bashashta fi wajhihi, وعليكم السلام ورحمة الله إذا بششت في وجهه وضحكت له فإنه بذلك يطمئن ولا يحصل عنده خجل وهذا من إكرامه وحتى لو كان القرى يسيرا مع البشاشة فإنه يكون خيرا من القرى الكثير مع عدم البشاشة. أي نعم. Donc ici, le cheikh explique que le voisin, tu dois l'accueillir, ou bien pas le voisin, mais plutôt l'inviter, hein, tu l'accueilles avec un visage chaleureux. Hein, tu l'accueilles de façon chaleureuse, hein, pour qu'il soit à l'aise et pour qu'il ne se sente pas gêné d'être chez toi. Il dit parce que si tu l'accueilles avec un visage souriant et chaleureux et que tu ris avec lui, il va se sentir à l'aise et il ne va pas être gêné, il va se sentir tranquille. Et ça fait partie d'honorer le voisin. Ça fait partie d'honorer le voisin. Pardon. Ça fait partie d'honorer l'invité, hein, et d'être généreux envers lui. Donc ça, c'est important. Ensuite, il explique, le cheikh, il dit, « Hatta walau kana al-qira yasiran ma'al bashasha. » Donc il dit, si par exemple, ce que tu as à lui offrir, à ton invité, c'est très peu, hein, tu n'as pas beaucoup de choses à lui offrir, alors d'être chaleureux et d'être souriant avec lui, c'est mieux, hein, que d'avoir beaucoup de choses à lui offrir sans être souriant et sans être chaleureux. En voulant dire que, yani, c'est préférable d'avoir peu de choses à donner à notre invité et de l'accueillir chaleureusement que de l'accueillir froidement en lui offrant beaucoup de choses. Et le vers suivant, ensuite, le cheikh, il explique. Il dit, « إذا كان المضيف على عند ما عنده إلا طعام قليل فإنه يؤثر به الضيف على نفسه فإذا كان المضيف ما عنده إلا طعام قليل فإنه يؤثر به الضيف على نفسه لأن الضيف له حق واجب وهذا معنى قوله كن مؤثرا إن كان في الزاد قلة يعني إن كان لا يكفيك أنت وإياه قدم الضيف وأنت يأتيك الله جل وعلا برزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقد مدح الله المؤمنين بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ووصف الأبرار فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يعني يقدمونهم على أنفسهم وهم يحبون الطعام. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Donc le cheikh il explique, il dit que si l'invité, si pas l'invité, si la personne qui invite l'hôte, celui qui est l'hôte, c'est celui qui reçoit, celui qui reçoit, s'il n'a pas beaucoup de nourriture, eh bien il doit donner précédence à son invité sur lui-même, parce que son invité a un droit obligatoire sur lui. Ouais, c'est normal, parce qu'on est un peu loin. Tu veux dire dans la radio? Ouais, non, c'est normal, parce que, étant donné qu'on n'est pas installé comme d'habitude, là, ça change un peu la donne, comme on dit. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, ouais, donc, si par exemple, tu n'as pas beaucoup de nourriture à offrir à ton invité, eh bien, donne-lui la précédence. C'est-à-dire, le cheikh, il dit que si, par exemple, la nourriture, ce n'est pas suffisant pour toi et pour lui, quand tu l'invites chez toi, eh bien, donne ce que tu as, donne précédence à ton invité en premier. Et Allah Azza wa Jal, lui, va te donner la subsistance par la suite. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 2 et 3 dans Surat At-Talaq, et quiconque se préserve d'Allah, Allah lui donnera une issue. Et il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'y attendait pas. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge des gens qui donnent précédence et qui préfèrent leurs invités ou bien qui préfèrent les autres à eux-mêmes. Même si eux-mêmes sont en situation de famine ou de disette, et qu'ils n'ont pas beaucoup de biens. Et c'est ainsi que Allah Azza wa Jal a décrit les vertueux et les pieux en disant qu'ils nourrissent, ils donnent la nourriture et ils nourrissent de la nourriture par amour pour lui, c'est-à-dire par son amour, l'amour d'Allah Azza wa Jal, et ils nourrissent les pauvres, les orphelins, et les prisonniers. Donc, il leur donne précédence à eux-mêmes, alors qu'ils aiment la nourriture, parce qu'ils aiment Allah Azza wa Jal, ils donnent précédence à leurs invités ou aux autres sur leur propre personne. Et comme Allah Azza wa Jal le dit dans le verset 92 dans Surat Al-Imran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. C'est-à-dire, vous n'allez pas atteindre la bonté jusqu'à ce que vous ayez dépensé de ce que vous aimez le plus. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous donnez ce que vous aimez, pas des choses dont vous voulez vous débarrasser. Les choses dont vous ne voulez plus, là, vous les donnez aux gens. Peut-être que cette chose-là même, elle est même plus bonne. Mais parce qu'elle est plus bonne, vous la donnez. Et comme Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ لِتُنْفِقُوا مِنْهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ. Donc, si je me rappelle bien de ce verset, c'est en voulant dire, ne donnez pas les mauvaises choses que vous avez, alors que vous-même, vous ne l'auriez même pas accepté. Illa an turmidu fi. C'est le verset 267 dans Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal, il dit, Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an turmidu fi. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. C'est-à-dire, et ne vous tournez pas vers ce qui est mauvais pour en faire dépense, et ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Donc ça, c'est une leçon, yani, pour nous, les musulmans, de donner des choses qu'on aime. Et plus on donne qu'est-ce qu'on aime, plus la récompense est grande. Tandis que si on donne quelque chose qui est plus bon ou qu'on veut plus, et on s'en débarrasse en le donnant aux autres, eh bien, y a pas de, comment je pourrais dire, y a pas de mérite à ça. Non. Ensuite, les deux vers suivants. Ouais, ok. Si c'est quelque chose qui a de la valeur, mais que toi tu n'en as plus besoin, alors tu le donnes à quelqu'un. Ça c'est correct. D'accord? C'est pas, ça c'est pas comme si tu te débarrasses de la chose dans le sens que l'affaire elle est plus bonne. D'accord? Donc là, l'exemple dont on parle maintenant, c'est l'exemple de la personne qui donne ce qui n'est plus, qui n'a plus de valeur ou qui n'est plus bon. Et que la personne, elle le donne juste pour se débarrasser parce que il est usé. Tu vois? Donc, dans ce cas-là, ça, c'est pas bon. Mais si c'est quelque chose qui est très bon, sauf que toi, tu n'en as plus besoin et tu le donnes à quelqu'un d'autre qui, lui, pourra l'utiliser, alors là, dans ce cas-là, au contraire, c'est pas quelque chose qui est blâmable. Et là, on est rendu maintenant à l'explication. On va lire les deux autres vers. Oui, c'est ça. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم أثرهم تسددي والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كاملا ينكدي. Donc dans ces deux vers-là, Cheikh Al-Fawzan explique, il dit: إذا كنت تأكل مع ناس أغنياء فإنك تأكل مثلهم وإن كنت تأكل مع فقراء فأنت تراعيهم لأنهم بحاجة إلى الطعام فتراعيهم وتقلل من الأكل وتوفر لهم. Donc il explique le vers, hein, le premier, il dit: si tu manges avec des riches, alors à ce moment-là tu manges comme eux, hein? Tandis que si tu manges avec des gens qui sont pauvres, en présence de gens qui sont pauvres, eh bien, à ce moment-là, tu tiens compte de leurs besoins. Puisque ce sont des pauvres, peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion de manger beaucoup, de manger souvent. Alors, à ce moment-là, tu manges moins pour leur laisser plus de nourriture pour eux, hein, parce que ce sont des gens qui sont pauvres. Et le vers suivant, il dit: Al-ijtima' ala at-ta'am sunnah. وليس هذا خاصا بالضيافة وإذا اجتمعت مع الإخوان على طعام فينبغي لك أن تراعي الآداب معهم وذلك بأن تنبسط معهم ولا تكن منقبض النفس بل إنك تنبسط مع إخوانك وتمازحهم وتباسطهم وهذا من حق الأخوة ولا تذكر كلاما ينكدي ولا تذكر كلاما ينكدي أو ينكدي نعم ولا تذكر كلاما ينكدي يعني لا تذكر كلاما ينكدي عليهم ينكد عليهم بل التمس الكلام الذي فيه راحة لهم وتطيب خواطرهم. Donc ça aussi c'est important. Hein? On dit, quand tu es avec des frères, des amis, tu es réuni pour manger. Et ça c'est une sunna, de se réunir pour manger ensemble. Et il dit, ça c'est pas spécifique à ce qui est relié aux règles de l'invité et de l'hospitalité. Il dit, si tu te réunis avec des frères pour manger de la nourriture avec eux, eh bien, il faut que tu respectes les bonnes manières avec eux, les manières de l'islam, de la charia. Et ça comprend le fait d'être souriant avec eux et de ne pas être renfrogné ou renfermé sur toi-même. Non, tu dois être joyeux et tu dois être souriant et tu dois être chaleureux avec eux et parler, discuter, être bien à l'aise avec tes frères. Tu vas plaisanter avec eux, tu ris, hein, quand tu es en leur présence. Ça fait partie des droits de la fraternité en islam. Tu vas pas commencer à dire des paroles pour critiquer, réprimander les autres, être déplaisant avec eux à ce moment-là. Non, cherche la parole dans laquelle il y a yani, des paroles qui vont mettre à l'aise tout le monde, des paroles qui vont mettre les autres à l'aise, pas qui va les faire sentir gênés ou les mettre en colère ou les déranger, hein. Il y a toujours des gens qui veulent, comme on dit, gâcher l'atmosphère. Hein? Alors que tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est content, toi tu viens, tu commences à dire des paroles qui vont mettre en colère certains ou qui vont déranger certains. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment et ce n'est pas l'occasion. Là, les gens sont réunis, on veut s'amuser ensemble, discuter, on veut yani, être de bonne humeur. Hein? Donc, alors, essaie de dire des choses qui vont les faire se sentir bien et les faire se sentir à l'aise et les mettre à l'aise et d'être de bonne humeur. D'accord? Donc ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand, par exemple, surtout des frères qui sont sur la sunna, ils pensent que quand tu es un musulman salafi sur la sunna, il faut que toujours, c'est 24 heures sur 24, tu es comme un... comment on pourrait dire, c'est comme toujours sérieux, tu souris jamais, tu n'es jamais relax, tu n'es jamais calme, tu n'es jamais comme de bonne humeur, souriant avec tes frères, tu plaisantes, tu ris avec eux, tu t'amuses. Non, ça c'est une mauvaise conception que certains frères ont. Hein? Il y a des moments pour ça, il y a des moments pour ça. Hein? C'est pas comme quand tu es assis dans le dars en train d'écouter le cheikh ou le professeur, il est en train d'expliquer des choses. Là, tu viens commencer à faire des blagues, à rire et à t'amuser. Non, c'est pas le moment. Là, c'est le moment d'étudier, de prendre des notes, de réfléchir, d'écouter, de comprendre. Chaque chose en son temps. Il faut pas mélanger, hein, les choses. Naam. Ensuite, il dit, voilà. ولا تحكين المضحكات فيشرقوا ولا تذكرا بولا ولا قذرا ردي نعم ولا تحقرا شيئا يقدم للقرى ولا وتعجيل نزر زينة زينة للمصرد وتعجيل نزر زينة للمصرد نعم ويكره أكل الترب إلا تداويا وأكل خبيث الريح غير مضخد غير مصخد وأكل خبيث الريح غير مصخدي. D'accord, donc ça c'est l'avant-dernier vers. Oui, c'est ça. Après il va rester un puis on a fini. Donc ces trois vers qu'on vient de lire maintenant, on va les expliquer. Il dit ولا تذكر المضحكات والنكت وهم يأكلون لأنهم ربما يحصل لأحدهم ضرر فيضحك ثم يشرب فيضحك ثم يشرق بالطعام أو بالشراب وكذلك لا تذكر لهم الأشياء المذمومة كالبول والغائط وهم يأكلون لأن هذا يكره لهم الطعام يكره الطعام لهم. Donc le cheikh il dit, je commence pas à faire des blagues alors qu'on est en train de manger, hein, commencer à faire des blagues, puis à dire des blagues pour que les gens commencent à rire. Il dit parce que ça peut leur faire du tort. Peut-être que quelqu'un il est en train de manger ou d'être en train de boire, puis il peut s'étouffer avec la nourriture ou des choses comme ça. Hein. De même que tu ne vas pas leur mentionner des choses qui sont blâmables alors qu'ils sont en train de manger. de manger, tu mentionnes des choses dégoûtantes, hein, comme l'urine ou les excréments ou bien le vomi ou des choses comme ça. Alors que les gens sont en train de manger, toi tu parles de ça, ça risque de leur faire perdre l'appétit, hein. Ils vont plus vouloir manger par la suite. Naam. Ensuite, il dit وهذا من أحكام الضيافة يقول لا تحقرن القليل من القراء قدمه وبادر به وتعجيل نزر زينة للمصرد يعني تعجيله ولو كان قليلا فهو أحسن من التأخير ولو كان المؤخر كثيرا لأن الضيف قد يكون جائعا ولا يحتمل الانتظار فقدم له الموجود عندك ولا تتكلف شيئا غير موجود لا تتكلف المفقود. Donc ici le cheikh il explique premièrement que tout ça ça fait partie des règles de l'hospitalité et il dit également que tu dois pas mépriser rien de la nourriture que tu leur présentes ou que tu prépares pour tes invités. Comme si par exemple tu vas aller manger chez quelqu'un, il te présente de la nourriture, mais c'est pas beaucoup. Donc là, tu dis, ah, ça c'est, pourquoi il présente ça? Ça c'est rien. Comme si, pourquoi il a juste fait ça, ça vaut pas la peine. Non, tu vas pas dire ça. Ok? Tu dois pas critiquer hein, la nourriture s'il y en a peu. Et en même temps aussi, tu dois pas non plus faire attendre trop longtemps tes invités quand ils viennent chez toi. Pour manger, certains d'entre eux, ils ont très faim. Peut-être qu'ils se sont retenus de manger parce qu'ils savaient qu'ils allaient venir chez toi. Donc, quand ils arrivent, présente-leur rapidement la nourriture. Même si, yani, même si c'est peu, c'est pas grave. Ramène-le rapidement. C'est mieux de ramener quelque chose rapidement, même si c'est peu, que de les faire attendre longtemps. Même si ce qui est préparé est beaucoup. C'est mieux de le préparer peu et de ramener rapidement que de faire beaucoup et de faire attendre beaucoup les gens hein, pour la nourriture. Et il dit que c'est ça donc. Peut-être que l'invité, il a très faim. Donc il ne faut pas le faire attendre inutilement et présente ce qu'il y a. Ce qu'il y a et ce qui est prêt. Et ne te charge pas de vouloir faire des choses qui ne sont pas là ou qui ne sont pas prêts. Hein, alors que c'est-à-dire ça risque de prendre trop de temps. Et il dit ensuite wa akl al-turab yani yuhram li'annahu mudir illa idha kana fihi dawa idha وصف بأنه دواء فلا بأس بأكله أما إذا كان فيه يعني فائدة دوائية فإن أكله يضر بالصحة وكذلك ما له رائحة كريهة يكره أكله كالثوم والبصل والكراث لأن الناس يتضايقون من روائح هذه الأشياء ولا سيما في المساجد فمن كان فيه رائحة كريهة فلا يدخل المسجد وكذلك المجالسة لا تجالس الناس وأنت آكل كراثا أو آكل ثوما أو بصلا فتؤذي الجلساء لأن بعض الناس لا يبالي واشتد وأشد من ذلك رائحة الدخان وهي كريهة خانقة وأشد من ذلك أنه يدخل المسجد وهو بهذه الرائحة الكريهة فينبغي للمسلم أنه يتأدب ويقطع الروائح التي تؤذي وإن كان هو لا يأنف منها فإن الناس يأنفون منها ويتضايقون منها والدخان غير قاسر ضرره على الذي يشربه بل حتى على من شمه فإنه يضره لأنه يدخل في جوفه ويدخل في خياشيمه فيضر من يشمه ولكن ابتلى الله المدخنين بقلة الحياء فلا يحترمون الجلساء ولا يحترمون إخوانهم وهذا يدل على أن الدخان مفتر ومخدر مفتر ومخدر ينسى الإنسان أنه مع الناس وينسى الحقوق ينسى حقوق الجليس فلا يبالي إذا أخرج الدخان في وجوه الحاضرين وآذاهم به وضرهم به لأن الله نزع منه الحياء والحشمة. On va traduire jusqu'ici, après on va continuer, inshallah. Donc ici, le cheikh, il explique que tu ne dois pas manger la terre, de la terre. Il dit parce que ça, c'est nuisible. Donc c'est interdit de manger de la terre. Excepté, il dit, si dans ça, il y a un remède. Donc si on a dit que, par exemple, il y a un remède dans cette terre-là, alors dans ce cas-là, c'est permis de le manger, mais... S'il n'y a pas de bienfait médical dedans, alors dans ce cas-là, tu ne dois pas le manger parce que ça fait du tort, en fait, à la santé. Hein? Et peut-être que tu trouves ça bizarre, hein, de dire ça. Mais il y a des endroits sur la terre où les gens mangent de la terre. Et dernièrement, justement, j'ai vu une vidéo qui montrait Yanni... certains gâteaux ou des genres de biscuits que les gens font avec de la terre. Et les gens mangeaient ça. Hein? Allah al-Musta'an. Ils font ça pourquoi? Parce qu'ils étaient très pauvres, ils n'avaient rien à manger, alors ils mangeaient ça pour remplir leur ventre et pour enlever la faim. Sallallahu alayhi wa sallam. Et de même que ceux qui ont une mauvaise odeur, comme l'ail, les oignons, les échalotes et les choses comme ça. Les gens vont manger ça et ça va sentir mauvais. Leur haleine sent fort. Et ça va faire du tort aux gens qui sont autour, en particulier dans les mosquées. Donc ça amène une mauvaise odeur dans la mosquée. Et alors, celui qui a mangé ces choses-là, cru, eh bien, il ne doit pas venir à la mosquée. Hein? Il ne doit pas venir à la mosquée. Si il a mangé ça et c'est cuit, hein, le fait de cuire ça, l'ail ou l'oignon, ça casse un peu, ça tue l'odeur. Mais si il a mangé ça cru, alors là, quand il va, même une heure après, s'il va y faire un rôt ou quelque chose comme ça, ça va sortir l'odeur encore. Donc, il ne faut pas qu'il vienne à la mosquée s'il a mangé ça. De même que s'il y a une réunion avec des amis ou avec des gens et qu'il a mangé de l'ail, des oignons, il ne doit pas venir pour les déranger avec son odeur. Hein? Parce que les gens, ça, même si certaines personnes, ça ne leur dérange pas, mais la plupart des gens, ça leur dérange. Et le cheikh, il dit le pire encore, pire que l'ail et l'oignon, il y a les odeurs nauséabondes et dérangeantes, comme la cigarette, par exemple. Il dit la cigarette, ça étouffe, hein, et ça sent mauvais. Et donc, le musulman, il doit avoir le bon comportement, les belles manières, et il doit enlever toute odeur nuisible qui fait du tort aux autres. Et il dit, même si lui, ça ne lui dérange pas, il doit tenir compte que ça dérange les autres et que ça crée de la gêne pour les autres. Et donc, la fumée de cigarette, le mal qu'il y a dedans, ce n'est pas seulement pour la personne qui fume elle-même, mais aussi pour tous ceux qui sont autour et qui vont respirer sa fumée. Ça leur fait du tort à eux aussi. Ça rentre dans leurs poumons. Et ça rentre dans leur nez et ça va leur faire du tort. Hein? Même qu'ils disent que la fumée secondaire, elle est plus nuisible que la fumée de celui qui fume lui-même. Parce que celui qui fume, il a un filtre, hein, quand il inspire la fumée, tandis que celui qui respire la fumée de cigarette de celui qui fume, il n'y a aucun filtre, hein, qui empêche certaines substances de rentrer dans ses poumons. Donc, il doit respecter Hein? Il doit respecter les gens autour de lui. Mais le cheikh, il dit, mais les gens qui ont commencé à fumer ou qui fument, Allah Azzawajal les a punis, les a éprouvés avec le manque de gêne et de pudeur. C'est-à-dire qu'ils ne respectent même plus les gens autour d'eux. Et ils ne respectent plus leurs frères. Et ça, c'est la preuve que yani, la cigarette, c'est quelque chose qui est, comme on dit, ça crée une dépendance chez les gens. Ils deviennent comme drogués avec ça, avec la nicotine qui est dedans. Ils ne peuvent pas s'en passer et ça leur fait même oublier les droits des gens, hein? Ça leur fait même oublier les autres. Et ils ne respectent plus personne. Allah al-Musta'an, lorsqu'ils commencent à fumer, ils fument dans le visage des gens et ils leur font du tort, hein, ils les dérangent. Et Allah Azzawajal a donc retiré de ces gens-là la pudeur et la gêne. C'est pour ça qu'ils font ça. Et le cheikh, il dit ensuite, وهذا مما يدل على خبث الدخان وأنه يصبح عادة لا يصبر عنها الإنسان ويصبح مدمنا له ويذهل عن من يجانبه لأنه عادة خبيثة تجره إليها ولا يصبر عنها من غير شعور يدخل عند الناس فهذا يدل على خبث الدخان فمن ابتلي به فليتب إلى الله ويتركه وإلا على الأقل يحترم الناس يحترم الجلساء فلا يهن كرامتهم ولو أن واحدا بصق في وجهه أو ولو أن واحدا بصق في وجه المدخن ماذا يكون شعوره الدخان أشد من البصاق سبحان الله فعلى الإنسان أنه يستحي ويحترم الناس ويحترم بيوت الله ولا يكون دائما إلا ذا رائحة طيبة. C'est vrai. Le cheikh, il dit par exemple, si tu vas à la mosquée, tu vas pas avoir amener des mauvaises odeurs avec toi. Que ce soit de l'ail ou des oignons, alors si c'est la cigarette, encore pire. Tu rentres dans la mosquée, tes vêtements sentent la cigarette, tes mains sentent la cigarette, ton corps, tout sent la cigarette. Tu déranges les gens à côté de toi. C'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé une fois que je prie dans la mosquée et il y a quelqu'un qui est venu prier à côté de moi et je ne pouvais plus respirer du tout à cause de son odeur, tellement il sentait fort la cigarette. J'étais obligé de changer de place. Hein? Donc tout ça, ça montre, et le cheikh, il dit... Ça montre à quel point la cigarette, c'est mauvais. Parce que la personne, quand elle devient accro à la cigarette, elle ne peut plus s'en passer. Hein? Elle n'arrive plus à se retenir elle-même. Et elle devient dépendante de la cigarette. Hein? Et elle dérange tout le monde autour de lui. Et donc, ça devient une mauvaise habitude pour cette personne-là. Hein? Et donc, la personne... Hein? Elle s'aperçoit même plus qu'elle n'est pas capable de se retenir de ça et qu'elle est devenue droguée, complètement dépendante. Et donc, elle met de la fumée partout, elle fait à tout le monde respirer sa fumée. Et ça nous montre en même temps à quel point la cigarette, c'est quelque chose de mauvais. Et donc, si quelqu'un a été éprouvé par ce genre de choses, eh bien qu'il se repente à Allah Azza wa Jal. Et s'il n'est pas capable de le délaisser, au moins, il doit respecter les gens autour de lui. Respecter hein, c'est son entourage. Respecter ses voisins. Parce que même tes voisins, ils vont sentir ça. Et encore pire que la cigarette, la marijuana. Hein, qu'est-ce que les gens appellent le cannabis? Subhanallah, ça sent tellement mauvais. C'est insupportable, cette odeur. Et il y a des gens chez eux, même ils le fument, ils font sentir ça à tout le monde dans l'immeuble. Allah al-Musta'an, ça sent tellement mauvais. C'est comme si Allah Azzawajal, il a voulu humilier les gens qui fument ça. Alors il a fait que ça sent tellement mauvais pour les punir en même temps par l'odeur. Sans parler des effets néfastes que ça peut avoir sur le cerveau hein, et les psychoses que ça cause. hein, et beaucoup d'autres problèmes. Allah al-Musta'an. On voit à quel point les gens ici sont drogués. Hein? Surtout quand il reste à moins 40 dehors, en ligne, pour aller en acheter. Hein? On les voit, ils vont rester pendant une heure dans la rue en train d'attendre à moins 40 pour avoir leur drogue. Allah al-Musta'an. Et tu vois de toutes les catégories, toutes les couleurs, tous les âges, hein? Toutes les hommes, femmes, enfants, il n'y a pas les enfants, mais en tout cas, même on a attrapé un gars l'autre fois, un musulman, Allah Musta'an. On l'a attrapé sortant de là-bas, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'as acheté là-bas? Il a dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un, je l'ai acheté, il ne peut pas arrêter d'essayer ça. Quelle excuse! Il dit, donc toi tu veux être gentil avec lui, tu vas lui acheter? Ça, c'est vraiment grave de faire ça. C'est pas une excuse, ça. Wa alaykoum salam, Suleyman, comment ça va? Alhamdulillah. Donc, le cheikh, il dit, le mal qu'il y a dans la cigarette, hein, c'est très mauvais. Et il dit, si quelqu'un venait pour cracher au visage de celui qui fume, qu'est-ce qu'il ressentirait? Est-ce qu'il aimerait qu'on lui crache au visage? Non. Le cheikh, il dit, la fumée que tu souffles dans le visage des gens, c'est pire que leur cracher au visage encore. Hein? Donc, la personne, elle devrait avoir honte et être gênée et respecter les gens. Il dit, et respecter aussi les maisons d'Allah. Hein? Et il doit toujours essayer d'avoir une bonne odeur quand il va quelque part. Et le dernier vers, et on va terminer avec ça, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, « Wa akluka uznu al-qalbi wal-ghudda dhakrahan wa harrim shira jawz al-qimari wa sharridi. » Donc ça, c'est le dernier vers. Le Cheikh, il explique, il dit, « Wa kathalika yukrahu aklu al-lahm al-radi ka uzni al-qalb wal-atraf al-lati fiha darar. والغدد هي الخرجات والحبوب التي تكون في الدابة وهذه يكره أكلها لأنها تضر بالصحة وهي أيضا مستخبثات ويحرم كل ما يساعد على القمار وهو الميسر قرين للخمر والربا في كتاب الله يعني قرين الخمار قرين للخمر والربا في كتاب الله والذين ويا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فالميسر هو القمار وهو قرين الخمر وهو مثل الربا أو أشد لأنه أكل للمال بالباطل وما يعين عليه فهو حرام من الأدوات التي تتخذ للعب به حتى الخيل التي تتخذ للميسر يأثم صاحبها لأن ناسا يقامرون على الخيول يقولون الفرس الفلانية هي التي تغلب فإذا سبقت فالذي يرشحها يأخذ جائزة مع الجائزة للراكب وللفرس ما هي للجالس على كرسي يرشح هذا من المغالبات المحرمة والمراهنات المحرمة فكل ما يعين على المكاسب المحرمة فهو محرم. Donc on va terminer avec ce point là ici. Le cheikh, il explique que il est détestable également de manger de la mauvaise viande, hein? De la viande qui est pas bonne. Et il mentionne أذن القلب وأطراف والأطراف. Donc, les extrémités Et udhun al-qalb, ça veut dire quoi? L'œil du cœur, l'oreille du cœur. Je sais pas de quoi il s'agit exactement, mais c'est des parties de la viande. C'est comme si, je sais pas s'il veut parler de certains abats ou quoi, dans l'animal. En tout cas, il dit qu'il y a du mal dans ça. De même que al-rudad, peut-être s'il parle ici des différentes glandes dans les animaux. Il dit que ces choses-là, c'est déconseillé de les manger. Il dit parce que elles peuvent être nuisibles pour la santé et parce que c'est des choses dégoûtantes. Donc, des fois, ces choses-là, ça dépend d'une culture à l'autre ou d'un pays à l'autre. Il y a des gens qui mangent des choses vraiment étranges. Et il y en a dans d'autres pays qui en raffolent. Et il y a des gens dans d'autres pays qui sont dégoûtés par ces choses-là. Donc, yani Allah musta'an. Après, le cheikh, il dit, et il est interdit également d'aider à tout ce qui peut faciliter ou être utilisé pour faire des jeux de hasard. Et donc, le cheikh, il mentionne que les jeux de hasard sont les compagnons de l'alcool et de l'intérêt. Dans le livre d'Allah, dans le verset 90, dans Surat Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jalla dit, « Oh, vous qui avez cru, l'alcool, les jeux de hasard, hein, il dit, « Wal-ansab wal-azlam. » Al-ansab wal-azlam, c'est des choses qui sont utilisées. Al-ansab, c'est les idoles. Wal-azlam, c'est des choses qui sont utilisées aussi pour faire de la voyance ou des choses comme ça, ou bien des tirages au sort, je ne sais pas quoi. Ala kulli hal, yani, ces choses-là sont des impuretés et ça fait partie du travail du shaitan. Alors il faut s'en écarter. Et le sheikh, il explique aussi que les jeux de hasard, c'est associé à l'alcool, c'est associé au riba, ou même à pire que ça encore. Et donc, ça fait pourquoi c'est mauvais? Parce que ça fait partie de consommer les biens des autres injustement. Et ça aide, et tout ce qui est utilisé pour aider à ce qui est haram, toutes les choses qui sont employées pour aider à faire ce qui est haram, hein, et qui sont utilisées pour faire des jeux de hasard, alors ça devient haram aussi. Et il dit, comme par exemple les chevaux qui sont utilisés pour les courses de chevaux, et les gens, ils parient, hein, ils font des paris sur les chevaux. Eh bien, il dit, à ce moment-là, la personne qui possède ce cheval, eh bien, il a une part du péché là-dedans. Parce que les gens disent, ah, tel chevaux, s'il gagne, hein, je parie que c'est lui qui va gagner. Donc, s'il gagne quelque chose, eh bien, le propriétaire du cheval, il va prendre une part. Et le coursier, celui qui monte sur le cheval, qui fait la course avec le cheval, il gagne une part aussi. Et la personne qui a voté pour, qui a parié sur ce cheval aussi. Donc, tous ces gens-là ont une part du péché. Parce que ça fait partie de ce qui est haram de parier sur ça. Et aujourd'hui, les gens, ils parient sur toutes sortes de choses. Ils parient sur des matchs de sport. Et ils font toutes sortes de jeux de hasard avec ça. À la kulli hal, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.